Journal de Québec sort ça ce matin, c'est une histoire un peu spéciale. Et moi, je me mets pas du tout en mode jugement là-dedans, parce que le gars, il a rien fait de mal, même si ça va vous apparaître spécial. Moi, je suis en mode compréhension. Je veux comprendre parce que je comprends pas. Alors, on va aller jaser. C'est un citoyen de la ville exacte, José, ah, là, oui, je l'ai pas devant moi. C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Saint-Médard. Ça s'appelle Saint-Médard, mon prochain invité, Kevin Gibbs, avait un chien, il l'a perdu, il est mort, et il lui a payé une messe. Le curé savait pas que c'était un chien. Il a vu le nom du chien, bon, on va lui demander c'est quoi, j'imagine que ça ressemble à un nom humain. Il a célébré une messe pour le chien. Le propriétaire s'appelle Kevin Gibbs. Monsieur Gibbs, bon matin. Bon matin. D'abord, votre chien s'appelait comment? Il s'appelait Rollo. Rollo, hein? Déjà là, le curé aurait pu se poser des questions, mais c'est tel que tel. Lui a vu passer Rollo et il a célébré la messe. Oui, mais en fait, j'ai rajouté Kevin Rollo Gibbs au nom, là. Ah, OK, fait que c'est comme ça, fait que là, le curé, il n'y a pas trop ça. Vous avez fait une petite entourloupette, là. Ouais, c'est ça, j'ai mis toutes les chances de mon bord, là. OK, pourquoi, M. Gibbs, vous avez fait ça? Parce que là, je vous souhaite pas, je sais pas si vous avez encore vos parents, mais si vous perdez un être cher un jour, puis vous y payez une messe, vous allez le mettre au même niveau que votre chien, là. Écoutez, si un membre de ma famille décède, je vais y payer des funérailles, puis je vais y payer pas mal plus qu'une messe. J'aurais espéré en faire un petit peu plus pour mon chien aussi. Écoute, mon chien, c'était comme un enfant pour moi, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui adore leur chien puis qui aimerait faire la même chose. Mon chien, je crois sincèrement qu'il le méritait, et puis il y a d'autres chiens au Québec qui le méritent aussi, je crois. Mais là, il est plus là. Moi, je pense que votre chien, sûrement que c'est un bon chien, là, je conteste pas ça, je sais à quel point ça peut être attachant. Pendant tout le temps qu'il était là, vous méritiez de le gâter s'il vous en donnait en retour. Mais là, étant plus là, la messe, j'ai de la misère à comprendre, parce que les gens qui payent des messes comme moi, je l'ai déjà fait, moi, je crois, c'est dans mes croyances à la vie après la mort, donc c'est un genre de signe de respect. Mais votre chien, il est plus là, là. Ben non, mais comme que vous dites, c'est un genre de signe de respect. Mais il vous voit pas, là. Il y a pas de paradis des chiens, là, on s'entend. Ben moi, je crois qu'il y a un paradis, puis qu'on se ramasse tout là. Qu'on soit humain, qu'on soit chien, qu'on soit n'importe quoi, on se ramasse tout au paradis un jour. Je crois ça. À tous les années, tu sais, on peut bien rire de la messe, mais le curé de Saint-Roch, à tous les années, bénit les chiens sur le parvis. Moi, je vois ça chaque année. De l'église. Alors, bénir un chien ou y faire chanter une messe à sa mort. Parce que lui, il croit qu'il y a un paradis, là. Mais tu sais, en matière de croyance, il y en a des spéciales.